Notre-Dame de Paris. Le bossu le plus illustre de la littérature mondiale, la bohémienne la plus glorieuse de la même littérature mondiale, à égalité peut-être avec une jeune cigarière. Celle qui nous intéresse, c'est Esmeralda. Elle semble surnaturelle, une créature surnaturelle. On la regarde danser, on voit ses jupes bariolées, ses épaules nues, ses yeux de flamme, une gypsy qui chante. Tout se met en place dans les épisodes 4, 5 et 6 du feuilleton Notre-Dame de Paris, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne les 18, 20 et 22 avril 1957. La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir. N'approchez pas! Il est plus méchant qu'une bête féroce! Personne n'a envie d'approcher un monstre pareil! Et ne dites pas toutes ces choses, il va se mettre en colère! Diable d'homme, la nature l'a réussi! Quand on le voit, il est bossu! Quand il marche, c'est un bancal! Quand il vous regarde, c'est un borgne! Quand vous lui parlez, c'est un sourd! Que fait-il de sa langue, ce Polyphème? Il parle quand il veut! Il est devenu sourd à sonner les cloches, mais il n'est pas muet. C'est dommage. Il lui fallait cela pour que sa beauté soit complète. L'œil qui lui reste est trop... Que non pas. Un borgne n'est plus incomplet qu'un aveugle. Il sent ce qui lui manque. Alors, approche Quasimodo. Ce jour t'appartient. Il est ton jour de gloire. Honorez-le, vous autres. Vive le pape des fous. Et tous les mendiants, tous les laquais, tous les coupe-bourses réunis aux écoliers allèrent chercher processionnellement dans l'armoire de la basoche la tiare de carton et la simarre dérisoire du pape des fous. Quasimodo s'en laissa revêtir avec une sorte de docilité orgueilleuse. On le fit asseoir sur un brancard bariolé. 12 officiers de la confrérie des fous l'enlevèrent sur leurs épaules et une espèce de joie amère et dédaigneuse vint s'épanouir sur la face morose du cyclope. Quand il vit sous ses pieds difformes toutes ces têtes d'hommes beaux, droits et bien faits. Vive Quasimodo! Puis la procession hurlante et déguenillée se met en marche pour faire, selon l'usage, la tournée intérieure des galeries du palais avant la promenade des rues et des carrefours. Eh bien, monsieur Gringoire, et voilà parti. Peut-être pourrions-nous, dans le calme revenu, jouer votre mystère devant les bourgeois demeurés dans la salle. Oui, sans doute est-ce le moment de prendre notre revanche, mes amis. Il reste peu de monde, mais ce public qui n'a point voulu se mêler à une farce vulgaire est un public d'élite. Nous n'avons plus la quantité, mais il nous reste la qualité. Que les musiciens attaquent. Oh, hélas, ils nous ont quittés pour suivre le pape des fous. Ah, eh bien passez outre. Le texte demeure, et ce n'est pas parce que j'en suis l'auteur, mais la musique des mots se suffit à elle-même. Allez, grimpez sur les tréteaux. Oui, mais c'est que... Quoi, qu'y a-t-il encore? Les échelles ont été enlevées, dame, c'est haut. Débrouillez-vous par n'importe quel moyen, nous n'avons que trop tardé. Esmeralda! Esmeralda! Elle est là, sur la place! Écoutez-les applaudir! Elle doit danser! Elle doit chanter, j'y vais! Moi aussi, Guillaume! Elle doit voir, je t'accompagne! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est encore que cela? C'est la Esmeralda! L'as-tu vu, ton père? Oh, voilà un charabia! La Esmeralda! Et alors? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils s'en vont tous! Mais que le diable vous emporte! Partez tous! Tous, et qu'il n'en reste plus un seul! Plus un seul, entendez-vous? Belle cohue d'âne et de butant que ces Parisiens! Ils viennent pour entendre un mystère et n'en écoutent rien! Ils se sont occupés de Clopin Trouquefou, du Cardinal, de Coponal, de Quasimodo, du Diable. Mais Madame la Vierge Marie, non. Tiens, si j'avais su, je vous en aurais donné, moi, des Madame la Vierge Marie. Oh, badou, analphabète, peuple stupide et borné. Et moi, Pierre Gringoire, poète et bachelier, venir pour présenter un mystère devant des visages éblouis et ne voir... Que des dons! Allez-vous-en, mais courez-y! Aller courir après le pape des fous, après la Esmeralda. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce mot-là, la Esmeralda? C'est de l'égyptiaque. Osez-vous rire à ce sabbat? Oh, c'est encore ce vilain homme! Mais que lui ai-je fait? Pourquoi se cache-t-il dans la foule? Ne crains rien, Esmeralda, nous sommes avec toi. Tiens, attrape. Oui, tiens, Esmeralda. Merci. Merci. Et par les cornes du diable, je... Oh, pardonnez-moi, monsieur, de vous avoir bousculé. Je ne savais plus où je tombais. Oh, la peste soit de ce jour de liesse. La peste vaudrait mieux que cette puissance où le peuple se vautre. Monsieur l'archidiacre, je ne vous avais point vu en tombant sur vous. Me reconnaissez-vous? Je suis Pierre Gringoire et vous m'avez enseigné le latin. Je te reconnais, mon garçon, mais laisse-moi, veux-tu? J'ai besoin d'être seul au milieu de toute cette folie pour mieux la dominer. Il faut la voir. La voir s'étaler dans toute son horreur. Danse, Esmeralda, danse pour nous. Tourne, plus vite encore, plus vite. Fasciné, Pierre Gringoire se rapprocha du cercle qui entourait la danseuse. Tous les regards étaient fixes, toutes les bouches ouvertes. Chacun regardait la bohémienne avec adoration. Et en effet, tandis qu'elle dansait ainsi au bourdonnement du tambour que ses deux bras ronds et purs élevaient au-dessus de sa tête ravissante, avec son corsage d'or tendu sur sa taille mince, sa jupe bariolée qui se gonflait autour de ses jambes fines, avec ses épaules nues, ses cheveux noirs, ses yeux de flamme, c'était une surnaturelle créature. En vérité, est-ce une fée ou un ange? Une nymphe? Une une bacchante. Elle est belle comme un rayon de lune, comme un pétale de lys, comme une déesse. Est-elle vivante ou passe-t-elle dans mon rêve? Messire, donnez-moi un liard, une pistole, une targe, selon vos moyens. Non, hélas, je ne rêve pas. La voici bien réelle. C'est une gypsy. Allons, messire, un bon mouvement. Mamie, je n'ai pas le moindre sol. Et mes poches sont vides, autant que mon estomac. Cela n'a pas d'importance. Merci quand même. Et maintenant, chante, Esmeralda. Oui, oui, oui. Une chanson. Tiens, voilà pour toi. Merci, merci, merci. De gran riqueza largo dentro un pilar dentro de nuevas banderas con figueras de espantar. Et la voilà qui chante aussi, pareil à un oiseau, à une folle, à une reine. Mon Dieu, quel ravissement! Je ne regrette plus rien, ni ma misère, ni ma déception. Elle endort jusqu'à mes peines. Esmeralda, comme tu es pure. Con espadas y lanzas. Mais à ce moment précis, oh, maudite scier bréchée qui vient briser la lyre. On te coupera la langue un jour, sorcière. Sorcière toi-même, hé eh. Prends garde contre tes tripes. Mais c'est la sachette qui nous bat les oreilles avec sa malédiction. Allons la pendre, la vieille folle. Mais oui, c'est ça. Nous ferons sur l'affaire à la vieille d'une autre fois. Allons voir passer le cortège. Oh, quelle musique, messeigneurs! C'est celle du purgatoire! Combat Trouillefou est en tête! Non! Mais non, c'est la basoche! Oui, courons voir de plus près! Mais regardez Quasimodo sur son trône! Il se prend vraiment pour le pape! Et c'était vrai. Quasimodo, pour la première fois de sa vie, s'épanouissait orgueilleusement. Que son peuple fût un ramassis de perclus, de voleurs, de mendiants, qu'importe. C'était toujours un peuple et lui un souverain. Sa surdité était telle qu'il ne percevait aucun son dans le vacarme qui l'entourait. Seulement la joie perçait, la vanité dominait et la foule mêlait à ses hommages dérisoires une sorte de crainte bien réelle. Car le bossu était d'une force herculéenne, car le bancal était agile, car le borgne était méchant. Chacune des sections qui formaient cette procession grotesque avait sa musique particulière. Bohémiens, argotiers, étudiants, détrousseurs et tire-laines. La plupart éclopés, ceux-ci boiteux, ceux-là manchots. Les coquillards, les hubins, les sabouleux, les calots, les francs-mitous. Les polissons, les piètres, les capons, les malinfreux, les riffaudés, les marcandiers, les archisuppos, les cagous. Dénombrement à fatiguer Homer, avec au centre de la confrérie des fous, les grands officiants qui portaient sur leurs épaules un brancard plus surchargé de cierges que la chasse de Sainte-Geneviève en période de peste. Et sur ce brancard resplendissait, crossé, chapé et mitré, le hideux sonneur de cloche de Notre-Dame. Hé, Quasimodo, profite de ta gloire! Elle ne durera pas longtemps! Garde tes souvenirs pour les raconter aux gargouilles! Demain, tu retourneras au diable! Oui, à toi! Il faut voir nos papilles promo! Vive Quasimodo! Vive notre Seigneur! Taisez-vous! Arrêtez-vous, sacrilège! De quoi se mêle-t-il, ce corbeau? Oh, non, mais allez au large! Laissez passer le pape! C'est un prêtre! Mieux que ça, mon père, c'est donc pour le frôlot, l'archidiacre de Notre-Dame! Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'archidiacre qui tienne, c'est la fête des fous! Paris est à nous! Arrêtez! Ouais, non, mais alors... Et mettez ce brancard à terre! Déposez ce brancard! Oh, Quasimodo l'a vu! Il dégringole de son char! C'est horrible, il va le déchirer! Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il, enfin? Mais pourquoi se bouscule-t-on de la sorte? Ah, messire, ne cherchez pas à approcher. Ça, le spectacle en vaut la peine, mais j'ai préféré prendre de l'éloignement. Croyez-moi, nous sommes mieux dans ce coin-là. Mais quoi, il y a le feu, la lèpre, le haut mal? Qui égorge-t-on? Mais personne, messieurs, personne. Et c'est bien extraordinaire, car on s'attendait au pire. Mais parlez, compère, vous m'échauffez les oreilles. Imaginez-vous que la procession s'est trouvée arrêtée par un homme vêtu en prêtre. Grand, avec un vaste front chauve. Et une voix, tranchante comme le glaive du Seigneur. Celui-là qui maudissait tout à l'heure la danseuse égyptienne? Si fait, messieurs, c'est le même. Mais Claude Frollo, l'archidiacre? Et pourquoi? Ah, oh, du diable, si j'y comprends quelque chose. Mais cet empêcheur de danser en rond est un faiseur de miracles, je vous le dis. Quand on a vu le bossu de Notre-Dame descendre de son trône, personne n'aurait donné un liard de la peau du bonhomme. Et ce n'était pas beau à voir, pour sûr. Il n'a fait qu'un bond jusqu'au prêtre. Il l'a regardé, et vous me croirez si vous voulez, Quasimodo est tombé à genoux. Voilà qui est merveilleux. Et ensuite? Ah, le prêtre lui a arraché sa tiare, brisé sa crosse et lacéré sa chape. Sans que le monstre lève le pouce? Nenni. Et pourtant, avec son seul pouce, il pouvait écraser le prêtre. Toute la foule tremblait de peur devant Quasimodo, qui, lui, tremblait de peur devant son prêtre. Ah, compère, la bonne farce. Ah, le beau jour que voilà. Et ah. Comment cela s'est-il terminé? Bah, l'un ouvrant le passage à l'autre, rien qu'en battant l'air de ses bras, ils ont quitté la place par la rue de la Coutellerie. Et il n'y avait plus personne pour se risquer à les suivre. D'ailleurs, voici bientôt le couvre-feu. Allez, bonsoir, compère. Bonsoir. Allez-vous vers la maison aux piliers? Nous pourrions cheminer ensemble. Merci. J'ai justement affaire dans la rue de la Coutellerie. Bonnes gens, il est 7 heures de la nuit. Rentrez chez vous, fermez vos portes. Bonnes gens, il est 7 heures de la nuit. Rentrez chez vous. Dépêchons-nous, Liénard, déjà le couvre-feu. Oh, mes pieds, je n'en puis plus. Oh, mais tu veux toujours aller partout, et puis ensuite tu demandes grâce. Après le mystère, le feu de joie, et encore tu voulais courir à la fontaine des innocents. Au moins, nous sommes-nous amusés. Oui. Et si je n'avais pas perdu mon châle dans la mêlée place de grève, je serais parfaitement contente de ma journée. Gisquette. Hein? Regarde qui s'en va là-bas dans la rue de la Coutellerie. Pierre Gringoire, le gentil poète. Oh, j'aurais bien voulu le revoir. Oh! Mais si! Mais veux-tu bien te taire? Il se fait tard et il n'est plus l'heure de parler aux jeunes gens dans les rues. Oh, il me fait pitié, le pauvre. Avec son picoquet tout usé, nous aurions pu l'inviter à dîner. Mais tu es folle, vraiment. Allez, viens, viens! Si Pierre Gringoire avait su que la jolie Gisquette était prête à lui offrir le souper, comme il l'eût accepté. Pour lors, il était transi et de froid et de faim, sans un liard en poche et déçu cruellement dans tous ses espoirs. Personne n'avait écouté son mystère. Certainement, le bailli refuserait de le payer, ni la gloire, ni l'argent dont il avait grand besoin. L'une réchauffant le cœur et l'autre l'estomac ne le récompenserait au terme de tant d'épreuves. Sans but précis, Gringoire avait pris le chemin par où l'archidiacre s'en était allé sous la protection de Quasimodo. Le couvre-feu était sonné. Dans les rues qui devenaient plus noires et plus désertes, rien n'évoquait maintenant la folle journée que les Parisiens venaient de vivre. Rien. Sinon un léger bruit qui vint soudain lui ranimer l'esprit. Jolie! La chèvre d'Esmeralda! Et puis... Esmeralda elle-même, Dieu me pardonne. Bonjour, mamie. Bonjour. Permettez-vous toutes les deux que je vous accompagne? Oui? Non? L'une répond gentiment, mais l'autre ne dit mot. C'est bon, c'est bon. Je resterai en arrière, mais je vous suivrai. Car il n'est pas prudent, mes belles, de cheminer sans escorte à cette heure de nuitée. Tu es d'accord, Jolie, j'en étais sûr. Pour l'intelligence et la bonne amitié, je vous crois toutes les deux des jeunes filles, mais pour la légèreté et l'adresse, je parie que vous êtes également chères. Naturellement. Une aussi jolie créature ne peut savoir danser, chanter et de surcroît connaître les délices de la conversation. D'ailleurs, le silence est d'or. N'est-ce pas, mamie? Oh, ce n'est pas la peine de faire cette moue dédaigneuse. Je vous déplais. Bonsoir. Allez donc seules toutes les deux, la fille et la chèvre. À dire vrai, je ne saurais affirmer qui emporte mon cœur. Mais que se passe-t-il? Esmeralda, j'arrive! Au secours, moi! À moi, au meurtre! Sauvez-moi! Tais-toi, mais tais-toi donc! Tu as tout à perdre à crier de la sorte! Laissez-moi, j'étouffe! Au secours! Esmeralda, n'ayez pas peur! J'arrive! À nous! Chevalier du Guet! À nous! À nous! Cassez-vous tout! Au moins, celui-là ne criera plus. Allez, vite, la fille, suis-nous. Lâchez-moi, à moi. C'est par ici, capitaine. J'en suis sûr. Maintenant, misérable, lâchez-moi cette ribaude. Emparez-vous des malandrins. Ils sont deux. Trop tard, capitaine. Il y en a un qui vous a filé entre les doigts. Mais celui-là, nous le tenons. Ouais. Ah, sentier, c'est pas facile. Aidez-moi, vous autres, il est d'une force. Passez les carreaux, on n'en viendra pas à bout. Méfie-toi, il mord comme une bête. Allons, est-ce fait? Vous êtes 15 contre un seul. L'autre coquin s'est échappé. Hey, mon capitaine, excusez-nous, mais cet homme a couvert la fuite de son complice. Et je n'ai jamais vu pareille musculature. Écoutez-le rugir, bon Dieu. Malgré les corps qui le ligotent, il se débat encore. Et toi, la belle, que faisais-tu dans les rues à cette heure? Je rentrais chez moi, monsieur le gendarme. Mais c'était couvre-feu, le savais-tu? Paris est dangereux pour les filles qui vont seules. J'habite loin, monsieur le gendarme. Merci de m'avoir sauvée. J'aimerais tellement connaître votre nom, s'il vous plaît. Je suis le capitaine Phébus de Châteaupers, pour te servir, ma belle. Phébus? Merci. Où cours-tu comme ça? Mon capitaine, un éclair se serait évanoui moins vite. Allez, Marcel. Oh, ma tête. Du diable, si je comprends quelque chose à ce qui m'arrive. Pourquoi suis-je trempé ainsi? Oh, qu'il fait froid. Oh, je suis couché en plein milieu du ruisseau. Ah, c'est le lit qui convient au poète méconnu, le ruisseau, la boue. Voici mon gîte. Et que faire en un gîte à moins que l'on y songe? Et que mettre dans ce songe? Sinon la fille, la chèvre, le monstre et l'archidiacre. Car l'archidiacre était là. J'en suis sûr. Que c'est étrange. Ces quatre personnages dont pas un n'a l'air vrai. Dont Claude Frollo enlevant une bohémienne, avec l'aide du bossu de Notre-Dame. Oh, et je m'échine à écrire des mystères que personne n'écoute, quand celui-là passionnerait tout le monde. Aïe! Oh, quelle crampe! C'est la faim, pauvre poète. Je n'ai rien mangé depuis bientôt 2 jours. La voilà bien la réalité. Allons, debout, carcasse. Debout, allons. Il faut te nourrir. Mais comment? Où suis-je? Il fait noir là-dedans comme dans une trappe. Maudits soient les carrefours. C'est le diable qui les a faits à l'image de sa fourche. La buena. Hein? Seigneur Caballero! Oui, quoi? Un pedazo de pain! Mais qu'est-ce que c'est? La charité, mon bon monsieur! La charité! Au moins, toi, tu te fais comprendre, j'aime mieux ça. Ben, je n'ai rien, pas même un liard! La buena merci, mais... La buena merci! Un pedazo enfin... de pain, Seigneur Caballero! Oui, mais écoutez, laissez-moi tranquille! Mais je n'ai rien à vous dire, laissez-moi passer! Non, mais écoutez, laissez-moi enfin! Vous venez d'entendre Notre-Dame de Paris, adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir, d'après Victor Hugo. Réalisation et musique originale de Jean-Wilfried Garrett. Avec, dans les rôles principaux, Michel Bouquet, Claude Frollo, Anne Capril, Esmeralda, Jean-Marie Amato, Quasimodo, Berthe Bovy, La Sachette, Jean Danet, Phébus, Jeanne Marquen, La Falourdelle, Madeleine Auseret, Fleur de Lys, Louis Seigné, Louis XI, Pierre Trabeau, Jean Frollo, avec Maurice Ténac, Clopin Trouillefou, et dans le rôle de Gringoire, Jean-Marc Tenberg. Aujourd'hui, vous avez également entendu dans les rôles de Gisquette, Nan Germont, Liénarde, Caroline Claire. Les bourgeois, les archers et les mendiants avaient les voix de Maurice Nasil, Teddy Billis, Jean-Louis Maury, Michel Nastorgue, Guy Pierrot, Marcel Vibert et Jean Péméja. Bruitage, Joé Noël. C'était Notre-Dame de Paris. Ces épisodes, les 4e, 5e et 6e du feuilleton Notre-Dame de Paris, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 18, 20 et 22 avril 1957. À suivre, à réécouter en ligne aussi, ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.